Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Man yurid yaqra. Al-bab qu'on a étudié ensemble, al-awwal, tafaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa la shi'ur islami shi'ur Muhammad ibn Abdurrahman ar-Rahim wa ta'ala. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الايه وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الايه وقوله تعالى تعاظمت الله وحرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الايه تقريبا من صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينتظر الى الوصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتم حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمارة فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس فلا تبشروا فيتقوا أفلا أبشر الناس فلا تبشروا فيتقوا أخرجاه صحيح نعم أحسنت. Et les autres frères qui veulent réciter, Inch'Allah, Yawm al-Sabt, avant notre cours d'arabe, on laisse toujours, Walillah al-Hamd, une force, un temps, pour réviser les motones qui sont passés, et on en profitera pour ceux qui veulent réciter Had al-Mat. Wakadhalik, on conseille al-Ikhwa, annahum, ils écoutent هذا المتن avant de l'apprendre. فهناك يا دي زوجو الآن ولله الحمد أن بعض طلبة العلم يغسيت هذا المتن يغسيت avec le vocabulaire en récitant les versets comme il faut. فننصح الإخوة d'écouter avant d'apprendre le bab, tu l'écoutes. وإلا si tu Si vous l'apprenez à deux, tu récites sur ton frère. Lakin, il faut que ce frère il a les capacités de corriger. Celui qui connaît un frère, walillahi alhamd, qui connaît hadal matn et qui le récite correctement, tayyib, il le récite sur lui, il le corrige. Et là, tu t'aides avec l'audio. Tu l'écoutes plusieurs fois. Thumma, tu récites comme il est. Hada, hatta inshaAllah, on évite certaines erreurs. On avait expliquer le premier chapitre dans le dars précédent et on n'avait pas fini la lecture dans notre sharh kalam Cheikh Saadi rahimahullah fa naqra kalama avant de résumer هذا الباب ان شاء الله قال الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب التوحيد هذه الترجمه تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره ولهذا استغني بها عن الخطبة أي أن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم أو يكمل نعم. الشيخ سعدي رحمه الله يقول هنا أن الست ترجمة الترجمة هنا بمعنى الباب ترجمة الشيخ هنا le titre الترجمة C'est employé كذلك pour la traduction, لكن هنا المراد et cette kalima va revenir souvent في الشرح الترجمة أي le titre مثلا هنا le titre qu'il a donné à ce chapitre كتاب التوحيد قال تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. نعم. C'est pour ça que Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله il a pas cité de muqaddima wallahu a'lam كما يقول بعض الشراح أنه il a pas cité une muqaddima. مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله il explique أنه il a écrit ce livre pour telle chose إلى آخره. لا, il a dit directement بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. فبعض العلماء كالشيخ سعدي قال ولهذا استغني عن الخطبة أي لا با سيتي دانتروداكسيون. لماذا؟ لأن سو شابيتر كتاب التوحيد في الحقيقة سان ريزومي دو تو سو كي فا سيتي دون لو ليف. فلهذا قال يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه إلى آخره. Des masa'il fi tawhid, certaines conditions, les bienfaits, des preuves, les fondements, ila akhirah. Tout ce qu'on va étudier ensemble, incha'Allah ta'ala, fi hadha al-kitab. Thumma qal, i'lam, anna tawhid al-mutlaq al-ilm, wal-i'tiraf bi tafarrud al-rab, bi sifat al-kamal, wal-iqrar bi tawhidihi, aw bi tawahudihi, bi sifat al-azama wal-jalal. وإفراده وحده بالعبادة. هذا التعريف للتوحيد المطلق. ثم رحمة الله عليه il va citer les différentes catégories du توحيد. فالتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. C'est un تعريف résumé. توحيد الله عز وجل بما يختص به. Et on unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui lui sont réservées à Azza wa Jal. Ka al-khalq, wal-mulk, wal-tadbir, ila akhire. Et tout ce qui est lié à tawhid al-rububiyya. Kadhalik, nuwahiduhu fi asma'ihi wa sifatihi. Annahu sal-hay, al-qayyum, al-aziz, al-jabbar, al-rahman, al-rahim, al-ilah, ila akhire. Tous ces noms et attributs, il est unique Azza wa Jal. Wa kadhalik nuwahiduhu fi tawhid al-ibada. Fal-ibada c'est haqqun lillah. Comme on a vu dans le chapitre hadith Mu'ad ibn Jabal radiyallahu an. Atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Qala haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu la yushriku bihi shay'a. C'est ça haqqullah. Et c'est ça al-tawhid. Enfin, ces trois catégories il les a cités rahmatullah alayh dans son charh. Fanaqra qala wa huwa thalathatu aqsam ahaduha tawhid al-asma'i was-sifat wa huwa i'tiqad infirad ila ar-rabb jalla jalaluhu bil-kamal al-mutlaq min jami' al-wujuh bi nu'ut al-'azama wal-jalal wal-jamal tawhid al-asma'i was-sifat. D'avoir la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs parfaits. Et personne n'est associé à Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-asma wa hadhihi as-sifat. Et hadhihi al-asma wa sifat, il n'y a aucun naqs, il n'y a aucune imperfection, aucun défaut, aucun manquement. Fallah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Et ses noms, ils sont parfaits. Wa lillahi al-asma ul-husna. Des noms parfaits qui renferment des attributs parfaits. Qala allati la yusharikuhu fiha musharikun biwajh min alwujuh. Si tu prends مثلاً صفات علم الغيب, Allah subhanahu wa ta'ala il a صفاتu l'ilm, et parmi ses noms al-alim. Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout, que ce soit le passé, le présent ou l'avenir. Fala ahad يشارك الله سبحانه وتعالى في هذا. Personne connaît l'avenir. إلا الله عز وجل. فسأ وصف أي العلم أي parfait في حق الله عز وجل. Et personne n'est associé à Allah سبحانه وتعالى في هذا. Tu as un exemple avec une صفة. Et c'est ça. توحيد الأسماء والصفات. قال وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه. أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات. هذا التوحيد ses noms et ses attributs. فالمؤمن يثبتها pourquoi لأنها لستة في الكتاب والسنة. فما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم فنثبته. مثلا الله سبحانه وتعالى في القرآن قال بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان. إلى ستة عز وجل كلا دوما. فنحن نديك الله سبحانه وتعالى إلى دوما. Ces deux mains sont parfaites. عز وجل. Elles ne ressemblent pas aux créatures. أبدا aux mains des créatures. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. Et on fait attention à ne pas s'égarer في هذا الباب لأن بعض الناس من الفرق الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. Et tous ceux qui ont suivi le chemin de هؤلاء انحرفوا في هذا الباب. إما ils ont عطل أي التعطيل c'est التكذيب rejeté. إما ils ont حرف التحريف c'est déformé. إما ils ont مثل عياذ بالله كالمشبهة. Et ils ont dit les صفات d'Allah c'est comme les صفات des créatures. Tout ça c'est de l'égarement. فنحن نثبت الصفة والصفة تليق بالله جل وعلا. Et Allah il ressemble pas à ses créatures. Ses attributs عز وجل il ressemble pas aux attributs des créatures. قال ونفي ما نفى عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. كذلك et ça c'est le deuxième point important après avoir cité l'ithbat. L'ithbat c'est affirmer. مثلا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عز وجل أنه إلى visage ويبقى وجه ربك. الله سبحانه وتعالى أضاف الوجه إلى نفسه عز وجل فإلى وجه إلى visage. On dit إلى visage. C'est ça l'ithbat. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل ينزل. الله سبحانه وتعالى descend le dernier tiers de chaque nuit. On dit الله ينزل. صفة النزول. C'est ça l'ithbat. وهكذا النفي. النفي c'est le contraire. C'est nier, une négation. مثلا الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. On dit Allah il dort pas. Pourquoi? لأن dormir c'est une imperfection. Et Allah il est parfait. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Et on fait attention aux شبهات في هذا الباب. لأن pour résumer, أن كثيرا من الناس se sont garés في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم عيادا بالله ils ont un مبدأ أي leur عقيدة elle est fondée sur الهوى. Elle n'est pas fondée sur le suivi des salaf. أما للسلف كانوا يقولون أمروها كما جاءت. أي tu suites et tu crois et tu délaisses les questions في هذا الباب. Pourquoi, comment, ou penser que Allah il ressemble à la créature. لأن tous les groupes égarés font se fadir se sont égarés. لماذا؟ لأنهم ils ont pensé que مثلا si on revient à notre exemple أن الله إلى دوما فأوتوماتيكمون إيزون في لا كومباريزون افيك المخلوق ثم إيزو سون ديفيزي أن جروب قال سي دو مان كوم سيل دو لتر هومان. لماذا؟ لأنهم يقولون نو أون كوني كو سي دو مان دونك سي دو فري مان سي كوم سيل دو لا كرياتور. إيزو سون إيغاري المشبهة. أن أوتر جروب إيزو سون إيغاري إيزون دي سي أون دي كو سي دو مان كوم سيل دو لا كرياتور سي دو ليغارمون. إيزون كونكلو الله إلى با دو مان. Ils se sont égarés. Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila. Un autre groupe, كذلك, ils ont dit Allah il a deux mains, لكن on ne peut pas dire que Allah il a les mêmes mains que la créature, ça c'est haq. ثم ils n'ont pas voulu rejeter comme Al-Jahmiya, لأن les deux mains sont citées dans le Coran, فقالوا بالتحريف عياذا بالله. Ils ont dit c'est deux mains, لكن في الحقيقة c'est pas des vraies mains. Les deux mains ça veut dire la force, la puissance, la capacité et la akhiri. انحراف الأشاعرة. أما السني يقول c'est des vraies mains. Comment elles sont? الله أعلم. Est-ce qu'elles ressemblent aux mains des créatures? أبدا. ليس كمثله شيء. Et on s'arrête هنا. كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يعني الكيف. Donc الاستواء معلوم. Et كذلك les deux mains. Lakin, le comment, on ne sait pas. Et les sifats d'Allah, elles ne ressemblent pas aux sifats des créatures. Abadan. Alihad abad ou salaf, ils ont résumé aqidat al-mu'minin fi al-asma et aux sifats en se basant sur qawlullah azza wa jal, laysa kamitlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. فقالوا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نثبت, on dit que Allah il a des attributs sans faire ressembler à la créature, et كذلك on ne dit pas que Allah il ressemble à la créature, lakin sans rejeter les sifat. إثبات ونفي. C'est ça عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات. Et ce bab, on l'a détaillé dans plusieurs livres, ولله الحمد. Et Inch'Allah, on leur détaillera dans d'autres livres. Et ce n'est pas le sujet de notre livre. Là, Cheikh l'Islam, il ne va pas traiter ce tawhid, fi kitab tawhid. Il va traiter l'autre, tawhid al-ibadah. Qala Cheikh Sa'di, rahimahullah, الثاني tawhid al-rububiyya, bi'an y'a'taqid al-abd anna Allah huwa al-rab, al-mutafarrid bil-khalq wal-risq wal-tadbir, al-ladhi rabba jami' al-khalq bin-ni'am, وربى جميع أو ربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. هذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. تُنِفِي الله سبحانه وتعالى dans ses affaires. الله سبحانه وتعالى il fait des choses. Et ces actions, elles sont parfaites. Mathalan, هنا il a cité Al-Khalq. كذلك, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Razzaq. Il donne à qui il veut. كذلك, له صفة التدبير. Ou c'est lui plutôt Al-Mudabbir qui gère tout. Azza wa Jal. Enfin, toutes ces actions, on unifie Allah subhanahu wa ta'ala fi hada. Mathalan, est-ce que quelqu'un peut créer une chose en dehors d'Allah? Abadan. Pourquoi? لأن الخلق c'est quelque chose réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawhid. Les ulama ils l'ont appelé tawhid al-rububiyya. وهذا il suffit pas seul. لأن بعض الكفرة ils l'ont reconnu. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. Si tu leur demandes qui c'est qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Ils reconnaissent Allah en tant que créateur. Iblis, قال كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن quand Allah lui ordonné de se prosterner, الشيطان قال خلقتني من نار. Iblis, il reconnaissait Allah en tant que créateur. لكن لماذا كفر? Il a eu un problème في العبادة. Et c'est ça le troisième tawhid. Et c'est ce tawhid que Cheikh l'Islam va traiter dans ce livre. En le détaillant, en démontrant ce qui l'annule, ce qui lui diminue, il va fassal في المسائل, il va citer des exemples. Alléada, ce kitab, il est très très important. Wajami al-Rusul, ils sont venus, ils ont été envoyés pour propager Tawhid al-Ibad. Amma Tawhid al-Rububiyya, fa, hatta ba'd al-Kafara, ils le reconnaissent. Fa, Quraysh, ils ont jamais prétendu que leur statue, elle crée des choses. Là, lakin, ils les ont pris comme Mimbab Shafa'a. Aywa, c'est un intermédiaire entre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont annulé Tawhid al-Ilahiyya. Al-Ulama kadalik, il l'appelle Tawhid al-Uluhiyya. Hada khulasat, hada Tawhid, Tawhid al-Rububiyya. La Buddha min. Ça ne veut pas dire qu'on ne lui donne pas d'importance, ou on ne croit pas à Yadam Billah. Abadan, ahli sunnah, y'a'tarifoun bi hada Tawhid, wa yu'minouna bih. Lakin, y'a'quloun, annahu la Buddha. De Tawhid al-Ilahiyya hatta al-insan y rentre fil l'islam. Qala al-thalith, troisième catégorie. Tawhid al-Ilahiyya wa yuqalu lahu Tawhid al-Ibadah wa yuqalu lahu kadhalik Tawhid al-Uluhiyya, ça ressemble à l'Ilahiyya. Kadhalik Tawhid al-Talab wal-Qasd, et c'est ça al-Maqsoud, et c'est ça le but. Wa ma khalaqtu al-Jinna wal-Insa. Vous avez remarqué que dans le verset que vous avez appris, que Cheikhul Islam il a cité dans le premier bab, c'est Al-Ibada qui est cité. Qala Cheikhul Islam, ou, non, Cheikh Sa'di, on est toujours dans son kalam. Qala Rahimahullah, wa yuqalu lahu tawhidu al-ibada wa huwa al-ilm wa li'atiraf bi anna Allah dhul uluhiyya wal-ubudiyya ala khalqihi ajma'i. Ou on peut le simplifier, Ifradullah Azza wa Jal bil ibad. Personne ne mérite l'adoration sauf Allah. C'est ça, Tawhid al-Ibad. قال وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده وهذا الأخير يستلزم القسمين الأولين ويتضمنهما ce قسم في الحقيقة celui qui le حقق et qui l'applique ça va impliquer qu'il a cru aux deux premiers لأن si il adore Allah سبحانه وتعالى c'est qu'il croit en Allah توحيد الربوبية et il sait que c'est Allah qui crée, c'est Allah qui guide. C'est pour ça qu'il l'adore. كذلك, il adore Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا? لأن الله عز وجل حي قادر عليم. Pourquoi il adore Allah subhanahu wa ta'ala? لأن الله subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs. Et Allah, il le voit et il l'entend. فهذا التوحيد, il implique les deux autres. أما توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات sans هذا التوحيد أي الألوهية لا ينفع. فمثلا لو إنسان يغكوني أن الله سبحانه وتعالى سي الكراتور كالله il le voit كالله il l'entend كالله il connaît tout ثم il adore autre كالله est-ce que ça va être utile أبدا فلهذا العلماء ils ont détaillé توحيد العبادة أكثر et c'est أصل دعوة جميع الرسل كذلك توحيد الأسماء والصفات ils l'ont détaillé à un certain moment quand les sectes elles sont apparues, les imams, ils ont propagé des choubahs fil asma wa sifat, les ulama, ils l'ont détaillé avec des livres de Rudud. Al-Tadmuri, le Cheikh l'Islam, ou Al-Hamawiyya, ou Al-Sa'iq Mursala de l'Imam Al-Qayyim, et d'autres livres fi hadha al-bab. Qala al-'allama al-Cheikh Sa'di rahimahullah, li'anna al-uluhiyya التي هي صفة تعم أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة فإنه المألوه المعبود المألوه ça vient de vous connaissez le mot إله فالإله c'est le مألوه أي celui qui mérite العبادة c'est pour ça que le مألوه et le معبود ça se ressemble لما له من أوصاف العظمة والجلال et c'est ça le lien entre توحيد العبادة et الربوبية والأسماء والصفات أن الله سبحانه وتعالى on l'adore لماذا لأنه il le mérite pourquoi il le mérite لأنه c'est le créateur لأنه il sait tout لأنه c'est lui qui nous a créé c'est lui qui nous a donné c'est lui qui nous a guidé فأنا obligé de l'adorer et il nous a créé que pour هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال فتوحده تعالى بالصفات أو بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه هذا سمونتر أن celui qui mérite العبادة c'est le رب يا قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم ça te montre أن العبادة c'est un حق للرب عز وجل وحده أما pourquoi adorer un être humain أو un ملك ou une pierre, ou une tombe, ou une statue, alors que c'est un makhlouk comme toi, avec des faiblesses comme toi. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, là, à chaque fois que tu lui demandes, il t'entend, et il répond, et il sait, et il est capable de t'aider, de te donner, il a arrêté. Amma adorer un makhlouk, ça contredit l'islam, et ça contredit kadhalik la raison. Et Cheikhul Islam, il a écrit ce livre Kitab Tawhid, pour mettre en garde contre هذا ce qu'on appelle الشرك أي qui annule هذا التوحيد قال الشيخ سعدي رحمه الله ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد المقصود أي le but de دعوة جميع الرسل c'est هذا التوحيد ils ont tous appelé هذا التوحيد ils ont tous été envoyés pour هذا التوحيد ما الدليل من القرآن ها أحسنت الفيرسي que vous avez appris ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الله il a envoyé à chaque peuple un رسول ça montre que tous les messagers ont été envoyés pour ça tous les prophètes أن يعبدوا الله adorez Allah واجتنبوا الطاغوت écartez-vous du shirk et c'est une définition في الحقيقة de التوحيد adorez Allah seul et s'écarter de adorer une créature autre qu'Allah قال فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له ما الدليل على هذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى il a créé العباد que pour هذا التوحيد. Il a envoyé les messagers que pour هذا التوحيد. Et tout ce qui vient après, c'est pour parfaire هذا التوحيد. قال وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. وهذا التوحيد أعظم الحقوق. C'est حق الله سبحانه وتعالى على جميع الناس. ما الدليل؟ Qui c'est qui peut nous citer un dalil, tfaddal? Un dalil à ouvah, un nahu vih l'haq, un nahu c'est haqqullah, azza wa jal, indaman? Tfaddal? حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أعظم الحقوق. C'est le حق le plus important. On n'a pas le droit de faire passer des حقوق avant هذا. قال فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد. Tous les messagers. كذلك tous les livres que Allah سبحانه وتعالى a révélé, c'est pour حقق هذا التوحيد. C'est pour propager هذا التوحيد. Et pour mettre en garde contre الشرك و التنديد. التنديد, c'est le fait de prendre un nid en dehors d'Allah سبحانه وتعالى. أي un associé. كما قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Pas le droit de donner des associés à Allah سبحانه وتعالى. فالتنديد, c'est un mot nouveau ربما pour vous, c'est comme الشرك, ça ressemble. Aïe donner des associés, adorer autre qu'Allah. Wa khususan Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa hadha al-Qur'an al-Karim fa innahu amara bihi wa faradahu wa qarrarahu a'zam taqrir wa bayyanahu a'zam bayan wa akhbara annahu la najata wa la falaha wa la sa'adata illa bihadha tawhid. Khassatan notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est imamul muwahhidin. Et هذا القرآن, c'est le livre qui a le plus détaillé هذا التوحيد. فالسعادة الإنسان ونجاح الإنسان, celui qui veut réussir, celui qui veut arriver au but, celui qui veut rentrer في الجنة, celui qui veut être heureux ici-bas et dans l'au-delà, il n'y a qu'un chemin, يا إخوة, c'est تحقيق هذا التوحيد. فلهذا كثير من الناس, ils recherchent comment être heureux. Et ils font des efforts, بعضهم, ils gaspillent de l'argent, بعضهم, ils font des efforts في الدنيا, بعضهم, ils ont des projets, بعضهم, ils essayent de trouver des idées, إلى آخره, pour être heureux. Et la seule solution, c'est هذا التوحيد. فلهذا البعض, ils ont de l'argent, ils ont une situation professionnelle, مثلا, طيبة, et ils vivent dans un pays en paix, la tranquillité, إلى آخره, لكن au fond d'eux, ils ne sont pas tranquilles. Et ils ont d'aïman des problèmes. Les mal, les annahum, ils n'ont pas emprunté le bon chemin. Amma al-muhid, al-mukhlis, qui fait des efforts fi tawhid illahi subhanahu wa ta'ala, même s'il a peu d'argent, même s'il vit dans un endroit où il n'y a pas la paix, même s'il est attaqué, insulté, robama, enfermé, son tawhid, il l'aidera fi dunya, et yawm al-qiyama, ça sera la cause de la réussite. C'est quoi qui va sauver l'être humain yawm al-qiyama bi idnillahi azza wa jalla? C'est hada tawhid. C'est hada tawhid. Et dans le chapitre suivant, Cheikh Abdurrahman rahmatullah alayhi, il a détaillé akthar. Qala wa anna jami' al-adilla al-aqliyya wa al-naqliyya wa al-ufuqiyya wa al-nafsiyya adillatun wa barahin ala hada al-amr bi hada tawhid wa wujubihi. Na'am. Tous les adilla, même la raison, elle prouve hada. أن الإنسان il a pas été créé هكذا. Il a un créateur. Et ce créateur, il a un حق عظيم على هذا العبد. Et الإنسان il doit être reconnaissant. Et celui qui veut الخير, il applique هذا الدين. Et ce دين, c'est التوحيد. C'est ça la base du دين. Le bon comportement et toutes les autres عبادات, الصلاة والزكاة والحج, c'est très très important. لكن c'est d'aucune utilité si ce n'est pas fondé sur le tawhid. Et ça, ça nous montre l'importance de le tawhid. Enfin, c'est « aslul usul »« la dina » لمن لم يحقق التوحيد أو يناقضه بالشرك أكبر عيدا بالله. Pas de din pour celui qui n'applique pas ce tawhid, qui le contredit avec du shirk. Enfin, voilà où il a un bon comportement, voilà où il fait le salat, voilà où il fait le hajj, voilà où il a un prénom musulman, voilà où il prononce la ilaha illallah, ça lui est d'aucune utilité. Hatta ihaqqaq hadha al-bab, et il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul. Qala, fattawhid huwa haqqullahi al-wajib ala al-abid, wa huwa a'azam awamir al-din, wa aslu al-usul كلها وأساس الأعمال. Un résumé طيب ورحمة الله عليه. هذا c'était pour compléter ce chapitre. الخلاصة, on peut résumer ce chapitre avec la parole de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد. On cite باختصار. قال فهذا الباب يشتمل على فوائد عظيمة. Et c'est le résumé du chapitre qu'on a vu ensemble. قال الفائدة الأولى أن الحكمة من الخلق أو من خلق الجن والإنس هي عبادة الله تعالى. Et في الحقيقة c'est un point essentiel. Pourquoi on a été créé? Est-ce qu'on a été créé pour manger et boire? فقط? Est-ce qu'on a été créé pour travailler, avoir une situation professionnelle seulement? La الحكمة. Et c'est important, pourquoi? Ça me concerne, ça te concerne et ça concerne tout le monde. Min al-ins wal-jin. Qala azza wa jal, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Enfin, on est tous concernés. Donc, on ne doit pas se contredire. Ça doit être une aqida qu'on a. Li'anna wa lillahi al-hamd, on croit en ce verset, on croit en le Coran. Donc, on croit en cette hikmah, en Allah, il nous a créé que pour hada. كذلك on le dit en récitant ce verset, on le dit مثلا dans ce dars, وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, c'est une ni'ma azima. Et كذلك on doit l'appliquer, on ne doit pas se contredire. On ne doit pas se contredire en ne donnant aucune part à l'ibada. بعض الناس الآن ربما يقول أنه مسلم, il se prétend مسلم et il ne fait rien من أعمال الإسلام. لا توحيد, لا صلاة, لا زكاة, لا حج, ولا شيء. Il a un prénom مسلم كأن الإسلام c'est devenu une origine. L'islam, ce n'est pas une origine. C'est pour ça que l'islam, ce n'est pas réservé qu'aux Arabes. Non. L'islam, c'est pour l'arabe et c'est pour rire l'arabe. Ce n'est pas chaque arabe, c'est un musulman. Ou chaque musulman, c'est un arabe. Peut-être. Les mains, si tu as compris Hadil Hikmah, tu comprendras. Hadil Din, c'est comme si c'était devenu une origine. C'est pour ça que Al-Hikmah, ils n'arrivent plus à la comprendre et à l'appliquer. Pour lui, il est né dans tel pays, ou ses parents sont des musulmans, ou il a un prénom arabe, c'est un musulman. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est tahqiq. Hadhihi al-Hikmah, appliquer, faire des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'annahu, c'est lui qui nous a créé, azza wa jal. Qala al-fa'idatu thaniya, anna al-rusul, kullahum, من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالأمر بعبادة الله والترك عبادة ما سواه. Tous les messagers depuis Nuh عليه الصلاة والسلام jusqu'à notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, et c'est le dernier, ils ont tous appelé à هذا التوحيد. هذا كذلك, on doit faire des efforts pour appliquer هذا. Si on sait que l'Anbiya jami'an wa al-Rusul, ils ont appelé à هذا التوحيد, qu'est-ce qu'on doit faire nous? On a été ordonné de les suivre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال عز وجل وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. On doit suivre ce message. Si on est convaincu que le prophète sallam, son principal objectif, c'était d'appeler à ce tawhid, فنحن كذلك. Et pour appeler ce tawhid, il faut déjà le connaître. Donc ça va impliquer de l'apprendre, de le comprendre, de l'appliquer. Et de faire da'wa. Tu retires tout ça de qawlullah azza wa jalla wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Qala al-fa'idatu al-thalitha bayan tafsir at-tawhid annahu 'ibadatu Allah wahdahu la sharika lah. Hadha huwa at-tawhid. Et ce point, Cheikh al-Islam, il a cité un chapitre في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. Et il va le détailler. Et dans ce premier chapitre, tu en as aperçu. لماذا؟ لأن ce premier chapitre, c'est comme un résumé. C'est pour ça qu'il faut prendre un minimum de temps pour le comprendre. Thumma, ça va t'ouvrir les portes pour le reste du kitab. فقال الله عز وجل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. C'est ça التوحيد. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, s'écarter du shirk. C'est ça tafsir التوحيد. On n'a pas le droit كذلك de se contredire في هذا. ولله الحمد on est des musulmans muwahhidun, on doit adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الناس si tu lui cites ce genre de verset, بل بعض الناس il récite وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. On le récite tous في الفاتحة. إياك نعبد ça veut dire quoi? Ya Allah on t'adore seul. إياك نعبد. Et en langue arabe il y a une faïda. Pourquoi إياك il est cité avant l'ibada? Et en résumé c'est pour montrer que la ibada c'est que pour Allah. عز وجل. بعض الناس il récite ce verset ثم tu les trouves ils égorgent ils sacrifient pour un wali, pour une tombe. Ou pour les djinns. Ou ils font tawaf autour d'une tombe. Ou ba'dhum ils invoquent, ils demandent aux morts. Ou ba'dhum leur fils est malade, ils vont voir un tel. Ou ils vont voir des sorciers. Falimada, vous récitez Iyyaka na'bud. Et limada, vous dites que vous êtes des musulmans. L'islam c'est tawhid. Et hadhihi al-a'mal, ça contredit asl ad-din. Chaque musulman, en haqiqa, il a des faiblesses. On a tous des faiblesses. Lakin, annuler le fondement de notre din. Ce n'est pas une faiblesse, ça fait sortir de l'islam. فالإنسان يحذر. On connaît c'est quoi le tawhid et on l'applique. قال الفائدة الرابعة أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى التوحيد إلى توحيد العبادة لا بالدعوة إلى توحيد الربوبية. فليس هناك آية واحدة قالت أقروا بالربوبية أو أقروا أن الله هو الخالق الرازق. لماذا؟ صحيح. C'est important هذا. أن جميع الرسل ils ont appelé à توحيد العبادة. Et tu ne trouveras pas في القرآن un ordre qu'il faut unifier Allah في الربوبية أو reconnaître. لا لأن هذا الحقيقة c'est acquis. مثلا الآن جميع المسلمين والله الحمد يديز أن الله c'est lui le خالق, c'est lui qui a créé les cieux et la terre إلى آخره. لكن le problème قديما وحديثا il est في العبادة. فلهذا الرسل ils mettent en garde contre الشرك في العبادة et ils appellent à unifier Allah في العبادة. كذلك الربوبية on doit unifier Allah subhanahu wa ta'ala et on ne doit pas faire de shirk في الربوبية كذلك c'est grave. لكن le problème عند الناس c'est في توحيد العبادة. فلهذا on doit se concentrer في هذا. وبعض الضلال كمثلا أصحاب جماعة التبليغ أنهم يكونوا في هذا الأصل العظيم leur دعوة ils disent on appelle au توحيد ils aiment le توحيد لكن quand tu les entends parler في الحقيقة يدندنون. Ils tournent toujours autour de Tawhid al-Rububiyya. Et celui qui les a déjà entendus parler, quand ils font da'wa, matalana wahed, qui est très très loin du din, probablement c'est pas un musulman. Et il l'appelle à Tawhid al-Rububiyya. Anna les cieux, c'est Allah qui les a créés, anna les étoiles, anna. Et à la fin, il le laisse hakada. Et hada c'est min al-jahl, li anna hada al-shakhs, même s'il reconnaît. Matalana yaqul na'am, c'est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, il reconnaît. L'Anna c'est une créature immense et ça rentre dans son cœur et il reconnaît en Allah c'est le Khaliq. Est-ce que c'est suffisant? Abadan. Tant qu'il ne témoigne pas en la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah et il adore Allah seul et s'écarte du shirk et il s'écarte de toutes les religions batila. Amma ba'd al-Nasara al-Anam ils disent que c'est ils disent pas Allah, ils disent c'est Dieu qui a créé il a akhiré. Est-ce que ça les a fait rentrer vers l'islam? Abadan. Tant qu'ils croiront pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils suivent sa sharia, ils l'adorent seul, et Allah azza wa jal, et ils suivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'islam. قال الفائدة الخامسة والأخيرة أن العبادة لا تنفع مع الشرك فمن أشرك بالله شيئا فإنه لم يؤدي حق الله. Et on est tous des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rentre tous في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى لا حق sur nous tous. قال ما حق الله على عباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. فالسلوي qui veut être reconnaissant et respecter هذا الحق l'appliquer il s'écarte du shirk. أما celui qui fait du shirk بالله عز وجل qui invoque autre qu'Allah يستعين بغير الله يدعو غير الله يسجد لغير الله يذبح لغير الله يطوف حول قبر هذا في الحقيقة il n'a pas appliqué haq Allah. Ben, il l'a annulé avec du shirk. Et Cheikh al-Islam, il a cité beaucoup d'abouab du shirk. Il va citer des abouab, ceux qui accrochent des talasim, des talismans, des amulettes, ceux qui placent leur confiance en mort, ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah. Tous les chapitres qui vont venir après, ça sera l'explication de hada tawhid et hada shirk. Allez, hada al-kitab, c'est min anfa' al-mutun. Et al-muslimoun, khasatan à notre époque, n'tachara fi kathir min al-buldan, al-shirk, wal-khurafat, wal-sihr. On doit faire des efforts. Fi tahqiq hada tawhid, ilman, wa ta'alluman, wa hifdan, wa da'watan. Pour nous, awwalan, on applique. On n'est pas à l'abri. Et on s'écarte des choubas. On applique et on fait des efforts pour l'ilm, hatta inshallah on devient mafatih khayr pour les autres. Et da'watu as-sunni, ça commence par hada. Pas le qil wal qal. Des sujets qui n'ont pas cette importance. Kathirun min al-nas l'an kama ta'alamoun gharikoun fi shirk. On ne parle pas fi bilad al-kufr. Bilad al-kufr, c'est une musiba. On parle hatta fi ba'd bilad al-muslimi. أنهم غارقون بعضهم في الشرك. Et on a une responsabilité, nous. Faut montrer. لكن tu pourras pas montrer إلا بعلم وثبات وإخلاص وصدق حتى تصبر. لأن ce chemin il est semé d'épreuves. لكن الموفق من وفقه الله نكتفي بهذا القدر. Et إن شاء الله le prochain درس نأخذ بابا جديدا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On passe à notre deuxième dors. Réviser les abwab au fur et à mesure, lianna avec le temps vous allez apprendre inshallah de plus en plus de chapitres, beaucoup de preuves min al-kitab wa min as-sunnah, face à demande de la révision. Et celui qui veut réciter comme qulna, lianna on peut pas faire réciter tout le monde avant le dors. Enfin, ceux qui veulent réciter, on en profitera que d'Alix samedi, on a un peu plus de temps avant notre dars d'arabe. Enfin, on essaiera de laisser un temps pour...